Magic Elvis, c'est maintenant Elvis Presley, 40 ans après sa disparition, l'enquête de Philippe Robin. Aujourd'hui, toutes les rumeurs après la mort d'Elvis Presley le 16 août 1977. Il y a eu beaucoup de rumeurs sur les causes de la mort d'Elvis Presley. On a parlé d'overdose de drogue ou de médicaments, on a parlé d'une crise cardiaque, d'un assassinat aussi. On a même dit qu'il s'agissait d'une supercherie, qu'il n'était pas mort et qu'il vivrait aujourd'hui tranquille sur une île déserte. Son meilleur ami Joe Esposito a sa propre idée sur la question. Elvis est le seul coupable de sa mort, personne d'autre. Mon sentiment personnel, c'est qu'il a tellement pris de médicaments ces deux dernières années que son cœur a dit un jour « C'est assez, je ne peux pas en supporter plus. » Mais je ne crois pas à l'overdose. Des doutes persistent encore aujourd'hui sur une question. Était-ce bien Elvis que l'on a mis dans ce cercueil le 16 août 1977 ? Sans doute, oui, mais lorsqu'on entend un témoignage comme celui de sa cousine par alliance, Louise Smith, qui l'a connue en 1952, qui savait tout de lui, qui l'a vu dans son cercueil et à qui je demande si c'était bien Elvis, on peut être étonné. Je n'en suis pas sûre. Parce que ses mains étaient toutes fines, alors qu'Elvis avait des mains plutôt épaisses et calleuses sur le côté, car il cassait des briques au karaté. Alors, j'aimerais bien le savoir, mais je ne le sais pas. My God, how great. Un homme était sûr de lui. Et on peut sans doute lui faire confiance, puisque le père d'Elvis l'avait chargé d'organiser les funérailles. C'est J.D. Sumner qui, quelque temps avant sa disparition, apportait ce témoignage. Quand on a trouvé Elvis, son visage, ses coudes et ses genoux étaient plaqués contre le sol. Il est resté pendant 2 ou 3 heures dans cette position. Et la rigidité cadavérique avait déformé son visage. Et il a subi une autopsie, ce qui change aussi l'aspect de son corps. Mais Elvis est mort. D'ailleurs, des milliers de gens l'ont vu dans son cercueil à ses funérailles. Je sais qu'Elvis Presley est bien mort. Alors, à moins que J.D. Sumner, que l'on vient d'écouter, ait été le chef du complot, l'idée d'un Elvis encore vivant aujourd'hui est donc difficile à croire, même s'il reste bien présent dans le cœur de certains fans. When I feel like this, and I want to kiss you, baby, don't say no. Game I'm playing. that I don't mean. Every word I'm saying, don't feel that way. I'm your love and yours, I will stay. This you can believe, I will never leave you. Heaven knows I won't. Maybe don't say don't. Don't, please don't. Elvis Presley, Magic Elvis, série signée Philippe Robin et l'agence France Presse nous rappelle ce matin que 50 000 fans sont attendus à Graceland, à Memphis, pour saluer, célébrer cet anniversaire, ces 40 ans après sa disparition, la disparition d'Elvis Presley le 16 août 1977. Et ce chiffre qui donne le tournis, Elvis Presley a vendu 1 milliard d'albums, record absolu de vente dans l'histoire de la musique.